pour la première fois en France. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'aime chez toi, mais je sais au moins ce que j'aime pas. Comment se fait-il que les années passant, je ne vois plus nos sentiments? J'ai l'impression de perdre avec le temps bien plus hélas que de l'argent. Comment croire en nous regardant que notre grand investissement ne soit maintenant plus que du vent? On se voyait construire une vie, cependant maintenant tout est fini. Je ne sais plus ce que j'aime chez toi, mais je sais au moins ce que j'aime pas. C'est facile de dire que le soutien c'est important, mais pas seulement quand il est pour toi, mon enfant. Je t'ai écouté des heures durant te lamenter sur tes cheveux alors qu'il n'y a rien à dire d'eux. Comment énumérer les choses dont on n'a pas parlé, ces choses si importantes pour moi que tu passais ton temps à étouffer. Oh putain. Tu ne m'auras donc jamais compris, toi la seule à connaître mes envies, mon avis. Je ne sais plus ce que j'aime chez toi, mais je sais au moins ce que j'aime pas.